Tu m'as dit, revoyons-nous. Et je suis au rendez-vous. Venise est comme avant, mais j'ai froid dans cette église. Brusquement, ce rendez-vous, quand l'amour fait naufrage, ce rendez-vous, après tellement d'outrages, ce rendez-vous, c'est un peu comme ma dernière chance. Amor.